Bonjour chercheuses et bonjour chercheurs. En route. Avec le voyage intérieur, j'ai voulu faire entendre des voix qui disent leur vie. Apprendre. Chacune a sa mélodie de l'intérieur et de l'universel. S'éveiller. Elle donne à nous entendre et à entendre le monde qui nous entoure. Élargir son horizon. Partir en voyage. Donner du sens à sa vie. Si ça vous dit, on finira bien par s'entendre. Vivre, c'est faire le voyage intérieur. Voir. Regarde-toi. Toucher. Cherche et tu trouveras. L'émission des chercheurs. Avec Richard Federman. Plus jamais seul, voyage intérieur. Plus jamais seul. Voyage intérieur. Bonjour chercheuses et bonjour chercheuses, bienvenue dans la série d'émissions du Voyage intérieur présentée par Message de vie. Aujourd'hui, apprenons à cultiver ou à entretenir l'harmonie avec notre planète et nos richesses intérieures vis-à-vis de nous, de l'autre et de la nature. Ces rapports que nous entretenons avec notre environnement sont reliés à nos comportements. Imaginez nos océans, nos rivières et nos fleuves comme notre propre système circulatoire, nos arbres, nos forêts comme nos poumons. Donnons plus de tendresse pour la terre et aux êtres humains afin de récolter de la joie. De la joie, nous allons en avoir aujourd'hui. Car nos convives sont Pierre Rabhi et Michael Londal. Pierre nous parlera de son écologie intérieure et Michael nous lira à voix haute quelques extraits du prophète de Khalil Gibran. Bon voyage! Message de vie, un site www.richardfederman.com. Bonjour amis de la Terre. Bonjour. Aujourd'hui, on te prend moins pour un fou parce que tu as des idées qui se réalisent. Est-ce que tu n'as pas l'impression de plus avoir la même force qu'il y a 30 ans? Une fois qu'on réalise ses idées ou qu'on aboutit à quelque chose, on n'a pas l'impression finalement qu'il ne nous reste plus rien à faire? Et qu'est-ce qui resterait peut-être encore à faire? Non, je suis plus dans la situation où au contraire, puisque maintenant ça bouge, c'est pas le moment d'arrêter. Seulement, il y a un fait incontournable, c'est que je prends de l'âge. Donc, je dois faire avec ces équations quelque chose qui font que je ne peux pas démissionner parce qu'il s'agit de choses importantes. Et je ne sais pas à qui donner ma démission, d'ailleurs. Et à la fois, essayer de me recentrer sur ce qui me paraît essentiel et ajusté à mon énergie d'aujourd'hui, à la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans quelle énergie tu es? Comme dirait Jean-Marie Pelt, j'ai une deuxième jeunesse. C'est pour moi, plus j'avance et plus ça devient une évidence. Et cette évidence, évidemment, fait que ça devient aussi une passion. C'est une passion depuis longtemps. C'est parce que ça a été une passion que j'ai pu surmonter les difficultés. Parce que sinon, il y avait des obstacles qui auraient pu me faire démissionner et je n'ai pas démissionné. Donc, j'ai surmonté les difficultés et je continue sur mon bonhomme de chemin avec la certitude que ce chemin est juste. comme l'humain est un peu égoïste, on pense d'abord à soi, sa réalisation de soi. Comment, après un certain temps, on peut commencer à le partager avec les autres? Toi, tu le partages avec la Terre, avec les humains? Moi, je partage depuis longtemps. Hein, depuis que j'ai pu, par exemple, transmettre quelque chose, par exemple, en agroécologie. J'ai organisé des stages, j'ai transmis aux gens. J'avais à peine 40 ans, une quarantaine d'années, quoi. 30 ans, disons, 35 ans. J'ai toujours partagé parce que je voudrais contaminer les autres pour de façon à ce qu'on prenne soin de la terre qui nous nourrit. Donc c'est pas d'aujourd'hui que je suis dans la transmission. Qu'est-ce que tu fais pour changer la société à ton niveau? Est-ce que je suis prêt à moi à changer dans la société? Attention aux autres. Je cherche pas à changer le monde en quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Je pense que tenir compte de ça, c'est peut-être l'élément majeur dont il faut tenir compte et prendre conscience. On change d'abord l'intérieur, par son cœur, et ensuite le reste vient. C'est aussi simple que ça. Après, on peut partager des choses, des idées, des valeurs, rencontrer des gens et puis peut-être apporter d'autres sources d'énergie, par exemple. Oui. Ensemble, vous toutes les deux. Oui. Qu'est-ce que... Moi déjà, concrètement, je me rends plus disponible à écouter mes petites voix intérieures par la méditation et de manière à être guidée dans mes inspirations pour changer ma vie dans un but de la santé. Et moi, ce que je change, en fait, ce que j'ai choisi de commencer à changer, c'est d'accompagner justement les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Et toutes ces valeurs qui nous ont été transmises aujourd'hui, de pouvoir vraiment leur donner accès à ça. Enfin, même pas leur donner accès, ils le possèdent, ils l'ont à l'intérieur d'eux. C'est juste les accueillir pour qu'ils puissent mettre ça en lumière et le concrétiser. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire, de plus en plus. Soutenez nos émissions radio sur le www.richardfederman.com. Pierre Rabhi, tu as plusieurs boutons sur lesquels en priorité tu as appuyé. Je parle de le bouton de l'explosion atomique, je donne une image. C'est le bouton prendre conscience de notre inconscience. Dis-moi plus, qu'est-ce que c'est la prendre conscience de notre inconscience? C'est un programme. Nous sommes totalement inconscients. Je veux dire, nous sommes inconscients sans être conscients de l'être. Voilà. Ce qui fait que tout ce que nous faisons relève de l'imbécilité souvent, relève de l'ignorance, relève de la barbarie, relève de beaucoup de choses conjuguées où l'être humain finalement fait beaucoup de mal à l'être humain et l'être humain fait beaucoup de mal à la nature. Et donc on est dans quelque chose qui est profondément inconscient. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a... La première chose, c'est d'être réveillé, se réveiller vraiment et être réveillé aux problématiques telles qu'elles sont, dans leur violence, dans leur inanité, dans toutes ces choses laides dans lesquelles nous sommes. Quelles sont ces choses laides? Quelle est cette situation? Dis-nous, comment est-ce que tu ressens? La chose laide, c'est la guerre, c'est construire des armes, c'est construire la bombe atomique, c'est agresser la terre qui nous nourrit, c'est la polluer, c'est polluer notre environnement, notre eau, on est vraiment dans le suicide et la laideur la plus totale, c'est de l'asservissement des femmes, c'est le non-respect de l'enfant, de la génération qui vient, on ne la respecte pas parce qu'on ne fait rien pour qu'elle soit heureuse dans son futur, etc. Il y a énormément de laideur, tout ça c'est de la laideur, tout ça. Voilà, il faut sortir de ça, il faut de la générosité, il faut de l'amour, voilà, c'est ce que je veux dire. Restons en lien. www.richardfederman.com. Khalil Gibran, le prophète, lu par Michael Londal. Et lorsqu'il entra dans la cité, le peuple entier vint à sa rencontre. À présent, révèle-nous donc à nous-mêmes et dis-nous tout ce qui t'a été montré de ce qui existe entre la naissance et la mort. Et il répondit, « Peuple d'orphalaise, de quoi pourrais-je parler, sinon de ce qui encore maintenant se meut dans vos âmes ?» Alors Almitra dit, « Parle-nous de l'amour. » Et il leva la tête et posa son regard sur le peuple, et un silence tomba. Et d'une voix puissante, il dit, « Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le. » bien que ses chemins soient rudes et escarpés. Et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous, bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser. Et quand il parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste le jardin. Car de même que l'amour vous couronne, il vous crucifiera. De même que vous lui devez de croître, vous lui devrez d'être élagué. De même qu'il s'élève jusqu'à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, il descendra jusqu'à vos racines et les secouera là où elles s'accrochent à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous assemble en lui, il vous bat pour vous dénuder. Il vous passe au tamis pour vous libérer de votre bal, et vous passe au moulin jusqu'à vous blanchir. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable, et alors il vous livre à son feu sacré, afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour les fera en vous, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur, et, les connaissant, devenir une parcelle du cœur de la vie. Mais si dans votre frayeur, vous ne cherchez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, alors il vaudrait mieux pour vous couvrir votre nudité et quitter l'air de battage de l'amour pour un monde sans saison où vous rirez, mais pas tous vos rires, et pleurerez, mais pas toutes vos larmes. L'amour ne donne rien que lui-même et il ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède ni ne peut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Si vous aimez, vous ne direz pas « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pourrez diriger le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous en trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a pour seul désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et que vous devez avoir des désirs, que vos désirs soient ceux-ci. Fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur d'un trop-plein de tendresse. Être blessé par votre propre idée de l'amour. Et saigner de votre plein gré et avec joie. Se réveiller à l'aube avec des ailes au cœur et des actions de grâce pour cette nouvelle journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi et méditer sur les transports amoureux. Rentrer chez soi à la tombée du jour avec reconnaissance. Et s'endormir alors avec une prière au cœur pour le bien-aimé et un chant de louange sur les lèvres. Les passages au micro-trottoir. Retrouvez-nous sur le www.richardfederman.com. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour changer la société ? Alors, moi, je fais une web-série qui s'appelle Planète Bureau sur l'énergie positive dans le monde du travail. Mettre des infos sur le développement durable par le biais d'une fiction d'épisodes de 3 minutes. À énergie positive, ça se passe dans le monde du travail, ça s'appelle Planète Bureau, et à chaque fois on met des changements de paradigme très concrets avec beaucoup d'humour. Et sinon, ça fait 20 ans que je fais une compagnie de spectacle qui s'appelle la Compagnie du 4, et on essaime dans toute la France que des valeurs nouvelles. Voilà. Qu'est-ce que tu changes à ton niveau, la société ? Déjà, j'essaie de me changer moi et mon rapport aux gens. L'un avec ma femme, où on a développé avec le temps une méthode pour écouter l'âme des bébés. Et donc, nous pensons que des bébés ont beaucoup de choses à dire, à un niveau très profond, qu'il y a déjà une sagesse, une profondeur, une âme, vous mettez le mot que vous voulez, et qu'on peut écouter ce que les bébés ont à dire, et qu'ils ont plein de belles choses à dire. Il y avait dans les années 60-70 en France, Françoise Dolto qui a mené une révolution, qui était l'idée que les bébés peuvent parler, que les bébés peuvent entendre ce qu'on leur dit, et qu'il faut parler aux bébés. Et nous, on est très convaincus qu'un jour, on arrivera à une révolution similaire qui est... Il y a le bébé qui est en train d'arracher le micro. Qui est une révolution similaire qui est que un jour, on trouvera naturel d'écouter les bébés, pas seulement de leur parler, de les écouter. Ce serait un changement assez extraordinaire dans la façon dont les âmes sont accueillies quand elles arrivent sur Terre. Donc, voilà. Est-ce que tu n'as pas l'impression des fois d'être seul ou d'être triste que ça ne peut pas se réaliser ou que c'est difficile à se réaliser ? Pierre Rabhi, dans une vie, non, je parle. Non, je pense qu'il y a des gens qui adhèrent à ce que nous faisons. En 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Donc on est sorti un peu, on ne faisait pas partie d'un parti, on n'était rien du tout. Et on s'est lancé et puis finalement, on s'est rendu compte que beaucoup de gens partageaient nos convictions, nos idées, puisque il faut aller collecter des signatures d'élus eh bien, on a collecté presque 200 signatures d'élus. Ça veut dire qu'il y a au moins 200 élus, et c'est quand même pas rien, qui sont d'accord avec nos idées, qui sont celles de mettre le féminin, de mettre l'être humain et la nature au cœur de nos préoccupations. Et dans la liste, disons, des critères qu'on avait avancés, c'était évidemment une autre éducation, c'était incarner l'utopie, éduquer les enfants autrement, c'était respecter la vie, la nature, c'était beaucoup de critères comme ça, en même temps avec une protestation contre cette sacro-sainte croissance économique qui détruit le monde. En donnant l'illusion qu'elle est en train de le construire. Tu as créé le Colibri. Je crois que tu crées un autre mouvement. Celui-là, il s'agit plus d'aller vers les femmes, sur le développement des femmes. C'est ça ? On a créé les femmes semencières, c'est-à-dire charger les femmes, par exemple, de se préoccuper de la semence, qui est l'élément de transmission de la vie par la semence. Et donc là, ce mouvement est en train de se généraliser, de devenir international. Donc je suis très content que cette problématique de la semence, qui est la continuité de la vie par la transmission génétique des choses, puisse avoir une place aujourd'hui et qu'elle puisse être prise en charge par le féminin qui est symboliquement celui qui protège la vie. Voilà. Et plus encore, le féminin qui a une place à prendre aujourd'hui. Oui, le féminin est subordonné au plan mondial. La femme, toute l'histoire a été construite plutôt sur le masculin que sur le féminin. C'est pour ça que quand moi j'ai appris l'histoire de France, ou l'histoire tout court, c'était que des batailles, c'était que des dates de batailles, de victoires, de défaites, de choses. Mais c'est l'horreur absolue. Et on nous apprenait ça dès tout petit. Au lieu de nous apprendre d'autres choses plus vivantes, on nous apprenait comment les êtres humains s'entretuaient. Mais c'est horrible, c'est absolument délirant. Et on faisait de ça, quand on a bien tué, on est un héros décoré. on est au degré zéro de l'évolution, quoi. Non, mais soyons optimistes. Alors, là, il y a l'agriculture, il y a l'air, la terre, l'éducation, la justice. Il faudrait reformer tout. Ah, absolument. Et en partant de l'éducation. Parce que l'enfant, c'est celui qui arrive qui porte en lui le germe du futur, forcément. Donc, si cet enfant, dès le départ, est éduqué à avoir une vision différente, sortir de cette compétitivité stupide, lui faire prendre conscience de lui-même, l'aider à fraterniser avec d'autres, garçons et filles, essayer de bien faire comprendre qu'ils sont complémentaires et que c'est le féminin et le masculin qui sont à la source de la vie. Toi comme moi, on ne serait pas là sans le féminin et le masculin, sauf que maintenant on va cloner peut-être les gens, mais ça c'est autre chose. Donc toutes ces choses-là qui sont basiques et fondamentales doivent être reprises maintenant et considérées comme ce qu'il faut enseigner et ce qu'il faut mettre en place pour l'évolution de l'humanité, sinon l'humanité n'évoluera pas. L'éducation et la justice, c'est comme si tu devais destituer Rome à l'époque. On doit te tirer dessus. Le fait déjà de remettre en question l'éducation, parce que si une directrice d'école t'écoute, elle se dirait, mais pourquoi veut-il remettre en cause l'éducation ? Non. Les institutions éducatives sont des manufactures dans lesquelles on fabrique un citoyen adapté au système. C'est pas plus que ça. Soit le premier, le meilleur. Et quand on sélectionne les gens, on sélectionne pas l'être humain en fonction. Moi, j'avais un camarade à l'école, mais qui était la bonté même. Il partageait son goûter avec tout le monde. Et c'était vraiment la graine d'humanisme. Et il n'était pas très brillant à l'école. Donc il était destitué scolairement, alors que c'était le germe et la graine d'un bel être humain. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi déterminer quels sont les critères, disons, qui doivent rentrer dans la notion d'éducation. Si on ne sélectionne pas cela en disant il faut fabriquer maintenant des êtres humains apaisés, des êtres humains solidaires, des êtres humains imaginatifs, des êtres humains mais qui ne soient pas dans l'égoïsme, et qui prépare une solidarité humaine, là on est sur la bonne voie. Mais si on continue à préparer des gens avec les hiérarchies basées sur le savoir accumulé, ben on aboutit à quelque chose qui ne créera pas, qui ne participera pas à l'humanisation. Message de vie. Un site www.richardfederman.com. Répondez à ces 7 questions par vrai ou par faux. À partir de la satisfaction de mes besoins de base, mon bonheur dépend plus de ce que je suis que de ce que je possède. Deuxième question. Plus on accumule de biens et plus on va bien. Les êtres humains dont les premières motivations sont l'argent, l'image et la célébrité ont plus de maladies et de dépressions que ceux qui se préoccupent moins de ces aspects. Quatrième question. L'argent fait le bonheur ? Une fois atteint un niveau de bien-être économique minimum, les ajouts de richesse rendent moins heureux et exposent à l'angoisse, la dépression, vrai ou faux ? Sixième question. Plus les valeurs d'un être humain sont matérialistes et plus sa qualité de vie diminue ? Dernière question. À partir d'un certain seuil de confort, quand quelqu'un s'enrichit, sa volonté de posséder toujours plus diminue son empathie pour autrui et le rend moins heureux, vrai ou faux ? Message de vie. Un site www.richardfederman.com. Qu'est-ce que tu proposes, par exemple, pour les enfants ? Si tu étais professeur maintenant, tu ferais un cours de quoi ? Je trouve que les enfants sont beaucoup trop dans l'abstraction. Ils sont trop tôt devant des écrans. C'est-à-dire avant même d'avoir pris connaissance d'eux-mêmes, de leur capacité physique propre, de leur capacité manuelle, de toutes les capacités qu'ils ont intrinsèquement, c'est-à-dire en dehors de tout, ils sont déjà, comme je disais, devant des écrans, devant des choses, et ça c'est catastrophique, on les éduque pas. Moi, l'école idéale serait une école dans laquelle il y a un jardin, c'est-à-dire le rapport de l'enfant à la nature qui le nourrit, à laquelle il doit sa nourriture, et il voit la magie, disons, de cette magie extraordinaire de la vie, parce que c'est magique. Quand je mets une seule graine dans mon sol et que j'ai un plant de tomates qui me donne des kilos de tomates, etc., c'est magique. C'est absolument magique, c'est absolument extraordinaire. Bon, qu'il apprenne ça, le rapport à la vie, à la nature, à laquelle il doit la vie. Des ateliers, mais sans équipement mécanique au début. Uniquement développer l'habileté, l'habileté manuelle. Et ensuite, on peut aborder les abstractions comme la virtualisation, disons, sans crainte, puisqu'il y a une connaissance et une éducation qui a donné à l'enfant les éléments qui sont des éléments qui ne sont pas dépendants de cette virtualisation. À partir du moment où on est tranquille, il peut aborder ces questions-là, mais en étant connecté, en étant éduqué aussi au tangible, en étant éduqué à ses capacités naturelles de faire des miracles avec ses mains. Si tout cela est réalisé, moi, c'est comme ça que je verrai l'école. Et si tu crées ton premier village, qu'est-ce que tu ferais ? Tu le créerais en quoi ? Ben, les villages, c'est-à-dire qu'on a des programmes aujourd'hui très réels sur les villages dans différents pays, en particulier au Maroc, où nous sommes en train de réaliser un centre de formation. Et ben, dans notre programme, on va prendre les villageois dans leur totalité, c'est-à-dire les villages organisés, et tous les villageois, évidemment dans la mesure où ils sont d'accord, c'est d'en faire des villages écologiques, intégrales, où tout le monde est impliqué, depuis l'enfant jusqu'à l'enfant, la femme, l'homme, le vieillard, tout le monde est impliqué pour faire. C'est mon rêve un peu, j'espère le réaliser avant de quitter cette réalité. C'est d'avoir un village intégralement dédié à la vie, rapport de l'homme et de la vie. Et donc un village écolo, si on peut dire, un village dans lequel il y a cette totalité de l'approche de la vie et pas simplement l'aspect partiel de cette approche. Et si tu avais le tablier d'un chef d'entreprise ? Chef d'entreprise ? Chef d'entreprise, c'est celui qui a beaucoup de responsabilités, donc il est responsable, il a créé son entreprise, etc. ben, à ce moment-là, il faut simplement intégrer la question de l'humanisme à l'intérieur de l'entreprise. Il faut que l'entrepreneur prenne conscience que c'est, sans ses ouvriers et ses employés, il n'est rien. Et il faut que les gens comprennent aussi que s'il y a quelqu'un qui a eu l'audace de faire les choses pour les aider à vivre, il faut qu'il y ait aussi une espèce de reconnaissance. Mais donc il y a une reconnaissance réciproque. Le chef d'entreprise sans employé, il n'est rien. Et les employés sans le chef d'entreprise, ben, ils ne seraient pas dans la... Donc cette réciprocité pourrait produire quand même quelque chose d'autre, une forme de solidarité qui serait magnifique, où il y a une reconnaissance croisée, mutuelle et croisée. Alors, Almitra parla de nouveau et demanda « Et qu'en est-il du mariage, maître ?» Khalil Gibran, le prophète, lu par Michael Londal. « Vous êtes nés ensemble ?» Et ensemble, vous resterez à jamais. Vous resterez ensemble quand les ailes blanches de la mort dissiperont vos jours. Oui, vous resterez ensemble jusque dans la mémoire silencieuse de Dieu. Mais laissez des espaces dans votre unité et laissez les vents célestes danser entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais de l'amour ne faites pas des chaînes. Qu'il soit plutôt une mer se mouvant entre les rives de vos âmes. Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Donnez-vous du pain l'un à l'autre, mais ne mordez pas dans le même morceau. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais que chacun puisse être seul, comme sont seules les cordes du luth alors qu'elles vibrent d'une même musique. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l'un de l'autre, car seule la vie peut contenir vos cœurs dans sa main. Restez l'un avec l'autre, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple sont éloignés entre eux, et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Message de vie. Tu garderais la monnaie, l'argent tel qu'il est? Disons qu'on a essayé de rationaliser le troc Pierre avec Rabhi. La monnaie, mais seulement le problème aujourd'hui, c'est que l'argent, la monnaie, la finance est devenue, a été dévoyée, dans le sens où, alors qu'elle représentait des richesses réelles ou des compétences réelles et donc des éléments réels, maintenant l'argent représente l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent en dormant qu'en travaillant. Parce que la finance est devenue quelque chose, tu fais des placements, et puis avec tes placements, bah, tu peux rester chez toi à dormir sans aucun problème. Et c'est là où il y a une perversion en quelque sorte de cette idée d'argent représentant le travail, représentant la matière, représentant les richesses réelles et non pas les richesses virtuelles. Donc effectivement, la tentative qu'on rencontre dans certaines régions de gens qui voudraient donner une parité à l'argent mais qui soit bien indexée sur une réalité économique réelle et non pas sur de la fiction et du vent, c'est une belle tentative. Et voilà, moi je ne peux que trouver ça très intéressant, d'autant plus que c'est pas un argent avec lequel on peut spéculer. On ne peut pas spéculer avec cet argent puisqu'il a une parité réelle, tangible, en service, en matière, en tout ce qu'on voudra. Voilà, c'est pas pareil. Message de vie, un site www.richardfederman.com. Thank you. Message de vie. Faites vos commentaires sur le www.richardfederman.com. On a essayé d'imaginer une autre école, une autre entreprise. Pierre Rabhi. Mais si on prend les bêtises humaines, l'avidité, le pouvoir, est-ce que les problèmes peuvent vraiment changer? Les choses peuvent vraiment changer si on ne règle pas déjà avec soi-même ses désirs, qu'on mesure ses désirs par rapport à sa volonté? Tout ce que je sais, c'est que je constate que les idées que j'ai depuis des années, des décennies, qui ont été certes moins élaborées que maintenant du point de vue de l'expression. Maintenant, ils sont bien élaborés, ils pourraient l'être encore plus au niveau de la façon de les exprimer. Autant pendant des années, on a l'impression, comme on dit, qu'on prêche dans le désert, que des idées qui ne sont pas reçues, autant aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire vraiment que ces idées sont reçues, d'où cette réputation dont m'honorent les gens, et avec laquelle je dois faire quand même quelque chose avec cette réputation. C'est pas pour la gloire de Pierre Rabhi, c'est pas ça, c'est le fait qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour nous-mêmes, pour nos enfants et nos petits-enfants et les générations futures, et que ces valeurs-là, ce serait quand même que justice que de les transmettre et de permettre aux générations à venir de vivre et non pas de résoudre tous les problèmes que nous aurons créés. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas de vanité avec ça. Ma propre vie, je l'ai organisée sur mes idées. Et je peux dire que j'ai mis en concordance et en cohérence ce que je dis et ce que je fais. Donc, je ne suis pas seulement dans dire des choses, mais je suis aussi dans ce que je fais, dans ma vie personnelle, avec ma famille. Voilà, on est quand même cohérent. Bien sûr, il y a des éléments d'incohérence. À la fois, je me dis, il ne faut pas de centrale nucléaire, mais je m'éclaire à la bougie. À la bougie, je ne m'éclaire pas, j'ai à la bougie, justement. Les bougies nucléaires. À la fois, je fulmine contre les marchands de pétrole et je leur donne mes sous. Chaque fois que je fais le plein, je leur donne mes sous, je les aide. Et on est dans un tas d'incohérences comme ça. C'est simplement, il faut accepter que ces incohérences sont là et qu'il faut essayer de les minimiser. On ne peut faire que les minimiser. Justement, Pierre, qu'est-ce que vous pourriez proposer à des urbains aujourd'hui, des gens qui habitent dans des appartements? Comment ils peuvent essayer de changer à leur niveau cette planète? Voilà, des exemples précis. Ils ne sont pas comme vous, ils n'ont pas la chance d'être dans la Terre. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à nos lecteurs, à tous ces gens-là, nos lecteurs, nos auditeurs? C'est une volonté. C'est-à-dire que c'est une volonté, ce n'est pas une chance. Ça ne m'est pas venu comme ça. Un jour, on m'a frappé à ma porte en me disant vous voyez, je vous offre un terrain, je vous offre une ferme. Non, ça a été une acquisition liée à ma volonté. Donc, je ne peux pas dire que c'est une chance. C'est quelque chose qui relève d'une certaine conquête, d'une certaine volonté. Donc, les gens, s'ils ne veulent pas faire autrement, ils n'ont pas voulu faire autrement, ils restent là où ils sont, c'est-à-dire prisonniers d'un système urbain dans lequel... Ils essayent de survivre, mais à mon avis, dangereusement, parce que en fait, ce que je crains beaucoup, beaucoup, c'est qu'un jour, il puisse y avoir une problématique large concernant le monde urbain. Le monde urbain où les gens, coincés dans un système, ne savent plus quoi faire, etc. Et quand je parle des oasis en tout lieu, je parle aussi de gens, par exemple, qui dans... Moi, je vois, j'ai habité des immeubles, je croisais mes voisins, c'est tout, sur le palier, on disait bonjour, c'est tout. C'était pas humanisé. Ça pourrait être humanisé. Pourquoi ne pas je sais pas, un immeuble, ça devrait être une famille, quoi. Si on était vraiment ouvert à tout ça, ça devrait être vraiment une famille. Et on s'entraide, on convivialise, on se rend service, etc. Ça pourrait être ça. Hein. Et on s'invite mutuellement et on fait des choses... ensemble, ça pourrait créer des espèces d'oasis sociales comme ça, intéressantes. Et ça sécuriserait les gens parce que se sentir seul en disant avec mon salaire je dois me débrouiller pour tout, si j'ai pas de salaire je suis plus en sécurité, etc. Je crois qu'il y aurait des choses à faire partout à la condition que l'être humain soit ouvert à ça. Mais il y a des réalités tangibles. C'est-à-dire, la réalité tangible, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de monde dans les villes et pas assez dans les campagnes. Les campagnes, les terres sont détruites et que l'avenir risque d'être sombre et difficile s'il y a le clash entre la capacité de nourriture qui est quand même du monde rural par rapport au potentiel de gens qu'il faut nourrir parce qu'ils sont vraiment très nombreux, quoi. C'est là qu'il risque d'avoir une espèce de clash et ça serait dommage. C'est pour ça qu'on plaide pour une politique qui revienne, qui reprenne le monde, l'espace rural comme un espace dans lequel peuvent se développer de nouvelles potentialités. C'est pas une question de culture. Quand on est dans le sud, on a le soleil. Quand il monte vers le nord, il fait froid. Comment créer de la convivialité, de la chaleur entre les humains? Je trouve qu'il y a une question de... C'est une prédisposition. C'est une prédisposition. Moi, j'ai vu chez moi des gens qui ne pouvaient pas boire un thé tout seul. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un boire du thé tout seul. Il invite les autres, il se promène avec sa théière même et des verres pour trouver des gens avec qui boire le thé, quoi. Il y a l'instinct de la convivialité est un instinct qui était naturel chez nous. Chez nous, c'est pas possible de rester tout seul, c'est pas possible de ne pas avoir les autres. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, j'ai me permis d'intervenir sur le fait de la nourriture. La nourriture, qui parlait de prana et tout ça, moi, j'avoue que j'en sais rien. Peut-être qu'on peut y arriver, mais enfin, j'ai même pas envie d'y arriver. Je sais même pas si j'ai envie d'arriver. J'ai envie de profiter des biens de la terre, des qualités. Et donc, il y a quelque chose à réaliser au niveau justement de cette convivialité. La nourriture, c'est pas seulement de la nourriture, c'est aussi un prétexte à se rassembler, à créer des îlots de gens qui échangent, qui se sécurisent mutuellement. Parce que quand on a des amis, on se sent en sécurité. Quand on a des amis, on se dit, bon, s'il m'arrive quelque chose, il y a des amis. Mais si on n'a personne, c'est quand même insécurisant, tu vois. Je pense qu'à une époque, on vivait tous ensemble, mais la modernité a fait qu'on nous a séparés, mais pas dans les pays, pays du Sud, où la mentalité culturelle est déjà ancrée. Heureusement, elle est toujours là, c'est vrai. C'est vrai, quand je vais en Afrique ou en n'importe, les gens sont solidaires. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est le paradis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jalousie, qu'il n'y a pas de trucs. Il y a tout ça. Il y a tout ça, mais au moins, ils ont relié leur vie et ils vivent un peu ensemble. Moi, je pense que si chacun trouve sa terre, son espace, son air, sa nourriture, il est dans son élément et déjà, il peut progresser dans ce qu'il est lui-même et ce qu'il y a autour de lui. Mais il faut qu'il trouve sa terre. Ce n'est pas forcément ici, la France, ou telle ville. De toute façon, aujourd'hui, il y a plutôt une sociologie des consciences parce que très souvent... Il y a beaucoup de gens qui cherchent leur vraie famille. C'est-à-dire qu'ils ont la famille naturelle là où ils sont nés dans un groupe social et ils cherchent leur famille d'esprit à travers cette sociabilité des consciences. Moi, je trouve aujourd'hui les gens se rassemblent beaucoup par affinité sur les valeurs que simplement parce qu'ils sont... Car tu vas partir, parole libre, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, maintenant, ici, présentement? Ils sont tous importants. C'est bien qu'on ait passé un moment ensemble, et je t'en remercie. C'est déjà un cadeau. Voilà, et puis après, le reste qui est important, c'est d'avoir le cœur ouvert, et puis d'accueillir ce que l'on peut, et de faire ce que l'on peut avec nos limites, et puis voilà, c'est tout. Mais il faut bien qu'on fasse évoluer l'histoire vers quelque chose de satisfaisant pour le plus grand nombre. Alors un des juges de la cité s'avança et dit « Parle-nous du crime et du châtiment ». Et il répondit, disant « C'est lorsque votre esprit va errant sur le vent, que vous, seul et inattentif, commettez une faute envers les autres, et donc envers vous-même. et pour cette faute commise, vous devrez frapper à la porte des élus et rester un moment ignoré. Pareil à l'océan et votre moi divin, il reste à jamais pur et sans tache. Et pareil à l'éther, il ne soulève que les ailés. De même, pareil au soleil et votre moi divin, il ne connaît pas les chemins de la taupe ni ne cherche les trous du serpent. Mais votre moi divin n'habite pas seul votre être. Une grande part de vous est encore homme et une grande part de vous n'est pas encore homme. Mais un pygmée informe qui marche endormi dans la brume en quête de son propre réveil et de l'homme qui est en vous, je voudrais parler maintenant. Car c'est lui, et non votre moi divin, ni le pygmée dans la brume qui connaît le crime et le châtiment du crime. Je vous ai souvent entendu parler de celui qui a commis une faute comme s'il n'était pas l'un d'entre vous, mais un étranger parmi vous et un intrus dans votre monde. Mais je dis de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-delà de ce qu'il y a de plus haut en chacun de vous. De même, le méchant et le faible ne peuvent tomber plus bas que ce qu'il y a aussi de plus bas en vous. Et comme une feuille unique ne peut virer au jaune sans que l'arbre entier n'en ait connaissance, ainsi le malfaiteur ne peut accomplir son méfait sans le secret accord de vous tous. Comme une procession, vous avancez ensemble vers votre moi divin. Vous êtes le chemin et ceux qui cheminent. Et quand l'un de vous tombe, il tombe pour ceux qui sont derrière lui. Il les avertit qu'une pierre peut les faire trébucher. Et il tombe, hélas, pour ceux qui sont devant lui et qui, bien qu'ayant le pied plus rapide et plus sûr, n'ont pas écarté l'obstacle de pierre. Et ceci aussi, dussent ces paroles peser lourdement sur vos cœurs. La victime d'un meurtre n'est pas sans responsabilité dans son propre meurtre, et la victime d'un vol n'est pas sans reproche dans ce vol. Le juste n'est pas innocent des actes du malfaiteur, et celui qui a les mains blanches n'est pas innocent des actes du félon. Le coupable est souvent la victime de l'offensé, et plus souvent encore, le condamné porte le fardeau pour l'innocent et l'irréprochable. Vous ne pouvez pas séparer le juste de l'injuste et le bon du méchant, car ils se tiennent ensemble face au soleil, tout comme le fil noir et le fil blanc sont tissés ensemble. Et si le fil noir se rompt, le tisserand examinera tout le tissu, et il examinera aussi son métier. Si l'un de vous passe en jugement l'épouse infidèle, qu'il pèse aussi sur la balance le cœur de son mari, et qu'il mesure son âme avec de justes mesures, et que celui qui veut flageller l'offenseur regarde dans l'esprit de l'offensé, et si l'un de vous veut châtier au nom de la vertu et planter sa hache dans l'arbre du mal, qu'il regarde donc ses racines. En vérité, il trouvera les racines du bon et du mauvais, de l'arbre couvert de fruits comme de l'arbre sans fruits. Toutes entrelacées les unes avec les autres dans le cœur silencieux de la terre. Et vous juges qui voulez être juste. Quel jugement prononcerez-vous contre celui qui est honnête dans sa chair alors qu'il est un brigand en esprit? Quelle peine infligerez-vous à celui qui tue dans la chair alors qu'il a été lui-même tué en esprit? Et quelle poursuite engagerez-vous contre celui qui se conduit en filou et en oppresseur alors qu'il a été lui-même blessé et offensé? Et comment punirez-vous ceux dont le remords est déjà plus grand que leur méfait? Le remords, n'est-ce pas justice rendue par cette loi même que vous désirez servir? Mais vous ne pouvez ni imposer le remords à l'innocent, ni l'abolir du cœur du coupable. Sans y avoir été invité, il viendra dans la nuit pour que les hommes se réveillent et se contemplent. Et vous qui voulez rendre la justice, comment le pourrez-vous à moins d'examiner chaque action en pleine lumière? Alors seulement vous comprendrez que celui qui est debout et celui qui est tombé ne sont qu'un seul homme qui se tient dans la pénombre entre le jour de son moi pygmée et la nuit de son moi divin, et que la pierre angulaire du temple n'est pas supérieure à la pierre la plus basse de ses fondations. Quand deux étoiles se rencontrent, elles finissent toujours par briller. La première était l'acteur Michael Londal qui nous a donné le ton en nous offrant des extraits du prophète de Khalil Gibran. C'était dans Message de vie tout ça. Bien entendu, nous consacrerons une émission dans Message de vie pour ces textes cultes de Khalil Gibran très prochainement. « Merci à Pierre Rabhi pour ce moment passé avec nous pour son écologie intérieure. Retrouvez toute sa biographie ainsi que ses initiatives menées jusqu'à ce jour en allant sur trois sites essentiels: colibri-lemouvement.org, terre-humanisme.org et pour finir fondationpierrerabhi.org. Remerciements aux éditions Audiolib pour Khalil Gibran, pour les musiques Anouar Brahim et le générique Vincent Attenberger. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine sur les radios locales de proximité en France. Et si vous ne pouvez pas les entendre, vous pouvez aller sur internet www.richardfederman.com. Je vous souhaite que du bon et beaucoup de joie. À bientôt. Jamais seul. Voyage intérieur.